À tous ceux qui en ont bavé, enfants oubliés par des parents trop occupés à payer un loyer, à ceux qui ont vécu l'enfer de la guerre, où la misère est proche de toi comme un frère. Tu sais, j'espère que la lumière au bout du tunnel voudra le temps attendu. Sera ce vœu le journaliste pour tous ceux qui dans la rue et compte rendu sur instru. À tous ceux qui n'ont pas cru, à tous ceux qui sur le chemin se sont perdus, à ceux que leur respect n'a changé. Tu sais, le succès, respect à toi si tu fais avancer ce mouvement et pop car sérieusement. Observe bien, c'est pour le love avant l'argent. L'argent et l'amitié, on sait tous, ça m'est pénible. À tous ceux qui ont été victimes de situations imprévisibles, à ceux qui visent haut et high comme le dernier split. Mais si tu restes positif, à ceux qui kiffent, à ceux qui kiffent pas, à tous ces mecs coincés qui comprennent pas, à ceux qui rêvent à haute voix et dans le fond, à ceux qui lâchent pas, à ceux qui drapent ça, à ceux qui savent, à ceux qui s'en lavent, à ceux qui vivent dans le fond du trou. Grave, grave, ensemble ici sur cette même terre, ensemble nous fumons tous la même merde. Car ici le soir nous vivons tous dans la même merde. Et je demande pourquoi on s'énerve, la vie c'est sévère. Je vois les faibles qui font leur prière, mais pendant ce temps je vois la lumière. Négro je rappe, j'espère vendre plus que de la misère. On veut des belles choses, je veux des belles femmes. Même si ça veut dire ici parfois du gros drame, c'est pas pour rien qu'on porte des grosses armes, des grosses lames, pour pas voir nos mères porter des grosses lames. Comme si putain sur la rue Montcalm, en train de vendre leur cul à chaque soir pour voir leur monde calme. Désespéré pour un morceau de rocher normal, car leurs parents les ont jamais caressés. Et c'est triste, comment la vie nous triche. Mais je m'en fiche, maintenant je vise le box office. À tous mes frères et sœurs pris sur la mauvaise piste, gardez la tête haute jusqu'à la prochaine visite. Peace. Je déteste à ceux qui sont morts. Dans la foule, attention les faux, je détecte. Check comment sont par comité de censure. Ceux qui me collent où je sois comme des censures ne respectent pas nos textes et tout ce qui s'ensuit. Bref, je lève mon verre à tous ceux qui sont impolis. Dans la police, use du monopole, c'est mis dans la vie des gens de la métropole. Et en plus, ils croient que je rigole. Pendant qu'ils picolent, dites-leur d'arrêter de nous chauffer. Qu'ici ça boue, ouais, le rigole. Fais péter, fais tourner ce beau poids à la sans pitié. Passe le PP, même au gros, c'est un pété. Je vais pas te le répéter. Si t'as pas les couilles, laisse tomber, va rejoindre les PD. À tous ceux qui fument et ne fument pas, surtout ceux qui ne filment pas, ceux qui n'ont pas de péché mignon, oui, qui ne forment pas de mauvais maillons dans la chaîne qu'on cherche à construire. Vous savez ce que je préfère le plus dans tout ça? C'est ceux qui ne la ferment pas. Les two heads, ceux qui achètent cassettes, c'est les mêmes fucking bootlegs. Ceux qui supportent les vagues.